Musical ID. C'est passé, jamais flanché devant la monnaie. Ah mais oui, de toute façon je m'en fiche, y'a pas de secret, je sais. Je médite et là je me dis, tout le seul reste. 1 000 000 d'euros j'ai dans le vise, et sans rien faire je fous la même merde. 1 000 000 d'euros j'ai dans le vise, et sans rien faire je fous la même merde. C'est fire, fire. J'suis pompé là, bah j'vois des laves, j'vois des laves. C'est fire, fire, tout en bail. J'suis pompé là, bah j'vois des laves, j'vois des laves. J'me suis vénère, tout d'un coup j'ai tout lâché. Quand j'suis directé, bah non, faut pas se fâcher. J'me suis vénère, j'aurais dit la vérité. Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets. Sans plus la nuit, j'pense au lendemain. Sur qui compte, t'es pas sûr, pas tu sais. J'connais la route, allez, ciao. Trop de vie, sans par où tu sais. Pourquoi mentir, j'te fais pas un. Si je te fais pas un dessin, pourquoi mentir, je te ferai pas un dessin. Tu connais la suite, si je te fais pas 1 000 000 d'euros j'ai dans le viseur. Et sans rien faire, je fous la même merde. 1 000 000 d'euros j'ai dans le viseur. Et sans rien faire, je fous la même merde. C'est fire, fire, fire. Je suis pompé là, je vois des laves, je vois des laves. C'est fire, fire, fou un bail. Je suis pompé là, je vois des laves, je vois des laves. Je me suis vénère, tout d'un coup j'ai tout lâché. Quand je suis directé, bah non, faut pas se fâcher. Je me suis vénère, j'aurais dit la vérité. Faut viser loin, vous êtes pas dans mes projets. Je veux des love et des euros, love, billets, billets, mauve, billets, billets, mauve. Je veux des love et des euros, des love, euros, billets, billets, mauve, billets, billets, mauve. Musical ID. Billets, billets, mauve. MLR Beats. Oh, yeah.